Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Raph. Salut Raph, comment tu vas? Bien, c'est mardi matin, là il y a du soleil et tu m'appelles pour que je parle de mes beats sur scène, donc honnêtement ça pourrait pas être mieux quoi. Ben écoute, je pense qu'on aime bien discuter de nos beats une fois qu'on les a digérés en fait. Oui, en effet, c'est un peu le genre d'expérience qui au moment même est éprouvant et puis après ça te fait une chouette anecdote racontée et t'en parles avec légèreté. Exactement. Et à ce propos, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Tout à fait, c'est l'histoire en fait de mon plus gros beat sur scène. C'était en fait il y a quelques années, je crois que j'ai du stand-up depuis 1 ou 2 ans. On avait été avec le What the Fun, donc le collectif qu'on a créé à Bruxelles d'humour. On avait été jouer une première fois chez un bar d'étudiants à Bruxelles. Et on avait été jouer et ça s'était super bien passé. En fait, c'était parce que c'était en période de blocus. Le blocus en Belgique, c'est le moment où les étudiants doivent étudier toute la journée, ils se préparent pour les examens. Et donc, quand ils se permettent une sortie, ils boivent pas tellement. C'est plutôt pour se permettre une sorte de petit moment de relaxation. Ils sortent pas pour faire la grosse guindaille jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, on avait dans The Bar étudiant fait une scène avec, où moi, je m'étais présenté aussi d'autres humoristes. Et ma compagne, avec qui je sortais déjà à l'époque, mais depuis pas longtemps, je crois que ça faisait quelques mois, avait assisté au spectacle et c'était super bien passé. J'étais super content. Et donc, on s'est dit, quelques mois plus tard, on va répéter cet exploit. Et donc, on a été dans ce bar étudiant à nouveau pour faire un deuxième spectacle qui a été horrible. Alors, il a été horrible parce que, en fait, cette fois-ci, on n'était plus en blocus. C'était juste le temps après les examens. Et donc, les étudiants, ils étaient au bar uniquement pour une seule raison, c'était pour faire la fête. Et donc, quand tu as un mec sur scène qui commence à essayer de raconter sa vie, toi, quand t'es là avec tes bières, tes potes, tu t'en fous un peu, quoi. Et donc, autant te dire qu'on a eu un peu dur à avoir l'attention des gens dans le public. Et donc ça, c'était déjà difficile. Tu sais, c'est aussi bien que moi que le stand-up, ça fonctionne très bien quand on a un dialogue avec le public. Mais là, en effet, c'était un monologue devant des gens qui n'étaient pas très intéressés. Mais je comprends aussi. Hein. C'est pas un reproche aux étudiants parce que si moi, j'étais étudiant à leur place, j'aurais clairement fait la même chose. C'est nous qui avions mal organisé le truc. Et donc, moi, à un moment, je vois donc le premier humoriste qui se casse la gueule, le deuxième humoriste qui se casse la gueule. Et puis, je me dis, bon, OK, ça va être mon tour. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir l'attention de tous les étudiants, pour gagner leur respect? Et donc, moi, de mon époque d'étudiant, j'étais aussi beaucoup dans ce qui était de la guindaille. Et donc, une des pratiques qu'on fait en Belgique, je ne sais pas si vous avez ça aussi en France, c'est l'affond. L'affond, c'est ad fundum, ça veut dire que tu termines une bière d'une traite. Et donc, ce que moi, je me suis dit, c'est que voilà, vu qu'il y a des bons guindailleurs dans la salle et que c'est ceux qui n'écoutent pas, je vais gagner leur respect en faisant un affond sur scène. C'est-à-dire que je suis monté sur scène donc, avec une bière entière et je me suis dit, avant de commencer mon spectacle, mon sketch, je vais faire un affront pour avoir leur respect. Ouais. Et alors, je monte sur scène, je dis, je sais que vous n'écoutez pas, mais, mesdames et messieurs, sous vos regards ébahis, je vais terminer cette bière d'une vitesse incroyable. Et donc, tout le monde s'arrête une seconde, il me regarde, et alors moi, je fais le pire affront dans l'histoire de l'humanité. Je suis lent, ça traîne, et puis le dernier tiers de la bière, je la renverse entièrement sur ma bouche parce que je n'arrive pas à la boire, et donc, je suis rempli de bière, de mon visage, mon t-shirt, mon pull. Évidemment, tout le public commence à me huer parce que non seulement je n'arrive pas à les faire rire, mais en plus, je les ai insultés en faisant le pire affront de l'univers. Et donc, s'en sont suivies les 10 prochaines minutes les plus gênantes de ma carrière de scène où vraiment, j'ai fait mon sketch. Les gens rigolaient pas, les gens n'écoutaient pas spécialement et j'étais trempé de bière. Et la pire de tout ça, c'est qu'en fait, c'était la première fois que les amis de ma copine venaient me voir. C'est-à-dire que ma copine m'avait déjà vu. Elle était convaincue. Elle s'est dit, bon, ce mec, je vais rester avec lui. Il a l'air rigolo. Du coup, vu que ça s'est bien passé la première fois, cette fois-ci, je vais montrer à mes potes qu'est-ce que mon copain fait sur scène. Et donc, ses potes, la première impression qu'ils ont eue de moi, c'était un guignol sur scène qui raconte des trucs pas marrants que personne n'écoute et qui aime renverser une bière sur son visage. Oh là là là. Et donc, voilà. Écoute, ça, c'était clairement un épisode qui était assez traumatisant. Bon, après, on en rigole. D'accord. Mais les amis de ta compagne, au bout de combien de temps ils ont effacé son numéro de leur répertoire? Alors, c'est intéressant parce que eux, par après, ils sont revenus me voir après et ils ont complètement oublié cet épisode. Par contre, Rudy, donc le gars avec qui j'ai lancé le What the Fun et un de mes meilleurs amis, lui, il me rappelle ça plus ou moins une fois tous les 2 mois. Donc, ça vraiment, c'est ancré dans sa mémoire. Et tu vois, je crois que tu connais ça. On a tous un pote, il se rappelle d'un truc gênant qu'on a fait et il est là pour le rappeler aux autres. Il va jamais laisser ce souvenir tomber dans l'oubli. C'est ça, ben, c'est parce que c'est des blessures de guerre en fait. On a fait la guerre ensemble et on se rappelle de ça. Ah, tu te rappelles quand t'as marché sur une mine et tout, tu vois, on est un peu, on a un peu cet esprit des soldats, tu vois, des vétérans si tu veux. Et, tout à fait, tout à fait. Ce qu'on peut pas te reprocher, c'est que t'as vraiment fait ton possible. Personne ne pourra douter du fait que Raph est un humoriste qui n'hésite pas à mouiller le maillot. Ah oui, littéralement, littéralement. Par contre, maintenant, je peux te dire que je ne le fais plus. Hein. Je l'ai essayé une fois. Si maintenant, à l'avenir, je vais faire un spectacle devant le roi ou la reine et qu'ils disent « Écoutez, votre spectacle est bien, mais vous pourriez faire un à fond », je leur dirais « C'est gentil, mais j'ai une fois essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne le ferai plus, c'est fini. Bah, » Sinon, est-ce que tu peux essayer de faire un à fond, mais avec de la tisane ? Ça dépend si tu les laisses un peu refroidir. Parce que là, de la tisane brûlante, je crois que pour faire mon sketch par après, ça va être un peu un massacre. Mais ouais, je peux peut-être essayer. Écoute, bah, ça devrait être une catégorie à part entière. On devrait faire une soirée spéciale où gens doivent boire un litre de Coca-Cola, des Mentos. Juste, on leur met des défis où ils doivent mettre des trucs dans leur bouche et puis faire un spectacle de 10 minutes. Mais c'est ça. Après, pour le côté de la tisane, l'avantage, c'est que le lendemain, si quelqu'un te demande, le public était chaud ? Non, mais la boisson, oui. Tout à fait. Mais bon. Tu vois, ça, c'est parfait parce que du coup, tu as une réponse à tout. C'est elle répartit. Je suis impressionné. Mais en tout cas, merci. C'est moi qui suis impressionné par cette belle anecdote. Parce que franchement, il en fallait du courage en fait pour monter devant des mecs bourrés et dire je vais aller les attaquer sur leur terrain. Vraiment, j'ai bien aimé ce côté défi, ce côté. On n'avait pas le choix, tu vois. À un moment, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, où tu vas à une scène. Et tu te demandes, tiens, comment ça va se passer? Et puis, tu passes pas en premier, mais tu passes genre 4, 5, 6e. Et tu vois les premiers humoristes monter sur scène et que c'est horrible. Et donc, tu commences à réfléchir en mode, ben, je vais pas ne pas monter sur scène. Parce que tout le monde se prête à cet exercice de massacre. Donc, je vais pas juste me dépiter en dernière seconde. Mais du coup, tu essaies de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme si tu veux, on a une fois eu l'expérience où on a été faire une scène à Namur, ici en Belgique. Et moi, j'avais préparé un sketch qui parlait de thèmes de jeunes, de rancards et des machins chouettes. Et quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que le public, ils avaient une moyenne de 65 ans. Et quand j'ai vu les premiers humoristes monter sur scène essayer de faire leur stand-up classique devant le public et que ça prenait pas, moi, j'ai complètement changé mon texte et je suis repassé sur quelque chose que je sais qui est accessible pour tout âge, quoi. Et donc, ça s'est bien passé. Mais donc, en effet, je crois qu'en tant qu'humoriste, il faut vraiment avoir cette lucidité de se dire… En fait, c'est très important de suivre ce qui se passe avant toi, d'être dans le public ou bien au moins en coulisses et d'entendre. Parce qu'à la limite, tu vas peut-être entendre un humoriste qui va faire une blague, une interaction rigolote avec Jean-Pierre au premier rang. Et après, tu dois pouvoir rebondir dessus. Alors que si tu es dans les coulisses, dans le fond, en train de répéter ton texte, tu vas pas vivre en fait ce moment-là et tu vas pas partager ce truc avec le public. Mais c'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec toi. Quand on est quatrième ou cinquième dans une soirée d'humour, il faut vraiment regarder comment ça se passe pour prendre la température de la salle. Et puis, alors si c'est une interaction bienveillante avec quelqu'un dans le public, tu vois, le Jean-Pierre dont tu parlais, si jamais c'est une interaction bienveillante, c'est pas obligé de reprendre derrière. Ça peut être marrant, ça peut faire un petit rolling gag, mais ça va. Mais on va dire, là où c'est le plus grave, le Jean-Pierre en question, si jamais il se met à être méchant, tu vois, à être un peu un heckler, tu vois. Genre, s'il se met à déranger, là, par contre, tu as tout intérêt à réfléchir et à te dire comment est-ce que je vais le calmer dès le départ. Je vais essayer de faire une vanne. Genre, tu vois, tu vas essayer de détourner une de tes blagues en y injectant ce personnage-là, tu vois. Et après, pour le côté s'adapter au public, c'est totalement ce qu'il faut faire parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir une soirée où je sens que le public est un peu plus réceptif à tel sujet ou tel sujet et du coup dire attends, je pars pas là-dessus, je pars sur tel autre sketch, tu vois. C'est de la survie, c'est de l'adaptation, tu vois. L'être humain a survécu parce qu'il s'est adapté à son environnement. Le stand-upper survit parce qu'il s'adapte à son public. Tout à fait. Et comme tu dis, je crois que c'est important de savoir quand un truc s'est bien passé avec quelqu'un dans le public, mais aussi quand ça s'est mal passé. Parce qu'en effet, à la limite, tu vas peut-être retenir « Ok, je ne dois pas interagir avec Jean-Pierre. » Ou bien « Cette thématique a été abordée, ça fait un grand silence. » Ça aussi, oui, parfois, tu as des publics qui sont plus sensibles à certaines choses que d'autres. Et donc, si un humoriste fait une blague sur une certaine thématique, tu vois que le public ne suit pas du tout, alors il faut noter ça dans ta tête pour éviter. Mais limite, pour faire une blague là-dessus, tu vois, tu peux monter sur scène et te dire « Voilà les gars, maintenant, normalement, j'avais prévu 5 minutes, mais finalement, je vais enlever ça parce que j'ai entendu que ça foire et que ça va pas marcher ici. » Et donc là, le public va rigoler parce qu'ils se sentent impliqués dans ce qui vient de se passer, qui est que tu es conscient. Je trouve que ça, c'est très important, stand-up, c'est d'être conscient de ce qui se passe et de mettre des mots dessus. Et de aussi, quand tu as un truc qui se passe sur scène, si à un moment, tu as une lumière qui se casse la gueule, mais tu dis, oh purée, en fait, l'humoriste qui passe après moi essaie de m'envoyer un message pour que je descende de scène, ou tu vas de rebondir dessus, parce qu'alors le public va trouver ça génial, parce qu'ils vont se dire, ça, il ne l'a pas préparé. Ça vient vraiment juste de sa tête, il sort ça de ses tripes à l'instant. C'est totalement ça, et c'est ce qui fait que le public apprécie beaucoup l'improvisation, même si on va pas se mentir, des fois tu vas sortir une blague en improvisation qui n'est pas du niveau de tes blagues écrites, mais comme le public sent la sincérité et sent que tu l'as inventé sur le moment, il va plus rire parce que c'est le vrai spectacle vivant, tu vois, ils se disent ce que nous on a ce soir, ni le public d'hier soir ne l'a eu, ni le public de demain ne l'aura, ça n'appartient qu'à nous, et c'est pour ça que quand tu te sers de ce qui se passe dans la salle, quand tu te sers de quelque chose de réel, tu vois, qui vient de se passer, là les gens apprécient parce qu'ils se disent, ils nous considèrent pas comme des pantins, tu vois, ils nous considèrent comme un vrai public à part entière et ils veulent nous délivrer une performance unique. Tout à fait, c'est un peu un des moments les plus frustrants, c'est quand tu passes des mois et des semaines à retravailler une punchline, une blague, un sketch et que tu l'as fait et puis finalement un truc que tu sors spontanément au moment même parce qu'il y a une interaction avec quelqu'un qui est très réactif au premier rang, que ça va plus faire rire que le truc que tu as scripté. Mais bon, après, l'objectif, c'est de faire rire. Nous, on a eu ça avec François FK, un de nos humoristes en Belgique, qui était venu à une de nos scènes et il avait préparé un sketch de 15 minutes. Finalement, il a fait 30 secondes de son sketch et puis 14 minutes d'interaction et le public était mort de rire. Et à la fin, il me disait « Ah, désolé, j'ai pas fait mon texte. » Je disais « On s'en fout. Mec, on monte sur scène pour faire rire les gens. Si tu arrives à faire rire les gens, peu importe comment tu le fais, c'est bon. » C'est vraiment le plus important, passer un bon moment avec le public, que le public rigole, qu'il ait passé un moment de partage avec l'humoriste sur scène. Et c'est pour ça que c'est je ne sais pas si tu l'as déjà fait toi, mais tu sais, quand tu as une improvisation, tu as un éclair de génie sur le moment, tu balances ta blague et tout, les gens sont morts de rire, tu te dis ça, je vais pouvoir le réutiliser la prochaine fois, tu le réutilises, mais ça rit, mais pas autant. En fait, il y a la différence, tu as tout à fait raison, il y a la différence entre l'écriture que tu fais en live et les interactions avec le public. Donc, des interactions avec le public, tu peux pas faire ton interaction que tu as eue avec Jean-Pierre le lendemain quand tu es en face de Sylvain, tu vois. Parfois, tu fais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, tu as écrit ton sketch, tu dis quelque chose, et puis au moment même, tu as un truc qui te vient en tête. Je sais pas pourquoi, c'est parce que tu as une sorte d'instinct de survie qui dit, essaie de rendre la blague encore plus marrante, et tu vas dire quelque chose sur scène qui, en fait, se rajoute super bien à ton texte. Et donc ça, en effet, parfois, c'est quelque chose que tu peux reproduire par après à l'infini dans d'autres spectacles. Et parfois, c'est des trucs qui dépendaient vraiment juste de l'ambiance de la soirée. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes, tu vois, comme Shirley Soignon, par exemple, que tu connais certainement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Shirley Soignon, par exemple, d'après ce que j'ai compris, elle écrit ses textes carrément sur scène, en fait. Elle prépare rien, en fait. Elle se donne une ligne directrice. Et puis après, elle improvise sur scène. Et c'est comme ça qu'elle écrit ses passages. Ça, c'est très impressionnant, hein, parce que moi, je suis fan d'improvisation avec le public, mais de l'improvisation de l'écriture, ça demande quand même un sacré courage. Mais c'est une façon de travailler qui est pas mal parce que, comment dire, quand tu es face à un public, tu vas vraiment avoir une sorte de filtre qui dit quelque chose si c'est rigolo, si ça te fait rire. Alors qu'à la maison, parfois, moi, j'écris des blagues qui, moi, me font marrer parce que je suis dans mon salon et que j'écris ça. Mais après, si je me pose la question en le relisant, est-ce que je le dirais devant un public, je dirais, mais non, ça va pas les faire rire. Moi, ça me fait rire, mais eux, ça va pas les faire rire. Et donc, ce qui est pas mal, je crois, dans l'écriture en live, comme le fait Shirley, c'est que tu as automatiquement ce filtre et donc tu dis directement des choses que tu penses qui va faire rire le public. Bon, après, je devine qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à laisser dans ce qu'elle écrit en live directement, mais c'est une technique comme une autre, hein. Oui, bah voilà, parce qu'en fait, tu écris en état d'urgence. Comme tu disais tout à l'heure, ton corps est en mode survie et ouais. Tu vas écrire en état d'urgence. Donc forcément, tu as une efficacité supplémentaire. J'ai l'impression que c'est l'adrénaline, en fait, la peur d'être… parce que tu sais que, je sais plus, ils avaient fait un sondage et tout. Ils demandaient aux gens quelle était leur première peur. Les gens avaient moins peur de la mort que de devoir parler en public. C'est dingue. Ah, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ouais. Eh ben, je pense que le corps assimile cette peur et se dit qu'il faut absolument que je sois efficace. Donc, il envoie le maximum de dopamine, tu vois, genre d'adrénaline et tout. Il t'envoie des substances. Et du coup, tu te retrouves Tu te retrouves à avoir des éclairs de génie, et c'est pour ça que les blagues qu'on trouve sur scène sont les meilleures. C'est parce que le corps est à son maximum, tu vois, le cerveau, il donne le maximum pour que tu aies les meilleures punchlines possibles, quoi. Et bien sûr, après, voilà, comme tu le disais, à juste titre, il y a des bonnes choses et des choses après à jeter. Tu ne pourras pas tout garder, mais tu te mets dans les meilleures conditions. Je pense que le ratio entre les blagues que tu vas garder et les blagues que tu vas jeter est meilleur quand tu es sur scène que quand tu es dans ton salon derrière ton ordinateur. Faut juste être, avoir les épaules assez solides pour faire face à un bide assez long, parce qu'en effet, quand tu écris 100% sur scène, tu dois aller, vu que tu n'as rien du tout, tu vas essayer d'improviser, de trouver des trucs, mais tu as beaucoup moins de, on va dire, de base solide que si tu avais écrit quelque chose. Donc, je crois qu'en effet, comme tu dis, c'est une méthode d'écriture efficace, mais il ne faut pas avoir peur de passer 15 minutes sans faire rire le public. C'est vrai qu'on est totalement vulnérable sur scène, et puis on écrit au fur et à mesure de la soirée. Des fois, il peut se passer des choses qui vont inspirer d'autres blagues et tout. Donc, ça peut pas se faire sur une soirée, mais clairement, construire un spectacle en rodage comme ça, je pense que c'est une méthode intéressante, parce que ça aura toujours la fraîcheur aussi de l'art oral, en fait. Ça aura pas le, comment dire, le côté littéraire, tu vois, de quand t'écris. Ce sera toujours une conversation, ça aura toujours l'air d'une conversation. Non, tout à fait, j'ai le même truc. Moi, parfois, quand j'écris des vannes, c'est beaucoup trop lyrique. J'ai des phrases que personne dit dans la vie de tous les jours, mais que tu peux mettre dans une lettre, dans un texte. Et quand je les présente sur scène, on me dit, ouais, non, ça, on dirait une phrase d'une pièce de théâtre, pas quelque chose que quelqu'un dirait dans un bar. Et donc, parfois, moi, je dois vraiment reprendre mon texte et me dire, il n'y a aucun être humain qui s'exprime comme ça, et essayer de le rendre à nouveau oral, quoi. Et en effet, ça, je crois que si t'écris sur scène, c'est un problème que t'as pas. C'est vrai, c'est vrai. Ben en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Tu en avais une autre ou pas? Ah oui, écoute, j'en ai une toute dernière, une petite pour toi qui, moi, en tout cas, m'a bien fait marrer. C'est le fait que moi, en fait, je suis roux, pour ceux qui savent pas. Et j'ai un des sketchs où je parle des roux. C'est un peu un sketch d'autodérision. J'analyse les préjugés sur les roux. C'est quelque chose un peu où je me taquine moi-même. Et un jour, d'habitude, ça marche toujours très bien. J'avais fait ça devant un public et tout le public se marrait bien. Et il y avait une fille au premier rang qui, elle, était rousse et qui n'appréciait pas trop ces blagues. Et qui, à la fin du spectacle, est venue me voir pour me dire que c'était pas correct, qu'il fallait défendre les roux et que je devais arrêter de faire des blagues sur les roux. Alors moi, je trouve ça particulier parce que même si j'admire son nationalisme pour les roux et qu'en tant que roux, je me sens honoré, je dois avouer que comment est-ce que tu peux... Allez, l'idée de mon sketch, c'est de faire rire les gens avec de l'autodérision en poussant à l'extrême des préjugés qui existent sur les roux. Donc, par exemple, quand je dis, voilà, il y a des gens qui disent que les roux, ça pue en été, eh ben, c'est absolument faux. Je peux vous dire que nous, on pue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire qu'on pue tout le temps. Je pousse l'argument à l'absurde et le public rigole parce que, un, ils ne s'attendaient pas à ce que je me moque de moi-même, et de deux, parce qu'ils comprennent évidemment que c'est faux. Et donc, c'est ça que je trouve dommage parfois, c'est que les gens prennent au premier degré des choses qui, justement, sont tellement absurdes intentionnellement pour montrer le ridicule d'un préjugé qui existe. Et donc, bref, j'avais trouvé ça marrant que je devais défendre, que je devais dire devant quelqu'un, non, mais tu comprends pas, je continue à faire des blagues sur les roues, c'est normal, et c'est pas quelque chose de méchant, de discriminatoire, quoi. Mais oui, mais en fait, tu as la même technique que tous les humoristes qui font de l'autodérision. Moi, le premier, moi, je suis pas roux, mais je suis en surpoids. Je fais des blagues là-dessus, forcément. Je fais des blagues sur le surpoids. Tu vois, je pousse un peu à l'extrême aussi. Tu vois, tous les préjugés aussi. Tu vois, étant marocain, musulman et tout, je me sers aussi des clichés et des préjugés pour les pousser encore plus loin. Tu vois, on va dire l'équivalent de ta blague à toi. La blague où tu dis que les roux ne puent pas qu'en été, en fait. Voilà, c'est très, très drôle parce que c'est un contre-pied, tu vois, les gens s'attendent à ce que tu dises, on pue pas, alors que toi, t'es allé encore plus loin, voilà. Et moi, l'équivalent, j'ai une blague qui est équivalente avec les musulmans, tu vois, c'est que j'explique que je discutais avec un client dans mon bus, parce que moi, je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la tech, et donc, je discutais avec un client dans mon bus, on parlait de voiture, en fait, c'est devenu un ami avec le temps, et on parlait de voiture, et il m'a sorti un cliché, vraiment le cliché numéro un sur les Arabes, quoi. Tu vois, il m'a dit... En fait, Sofiane, étant donné que tu es arabe, tu dois avoir une grande famille, donc une grande voiture. Et du coup, tu sais, je fais une tête un peu choquée comme ça et je dis, mais franchement, à l'époque, j'avais un enfant et une Renault 19, tu vois, j'étais un peu choqué. J'ai trouvé ça frustrant et insultant. Du coup, je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mes quatre femmes, on était outrés. Voilà, je pousse le truc encore plus loin. Et c'est pour justement ridiculiser le préjugé. Donc, je comprends totalement ton propos. Mais je pense que cette dame-là, rousse, qui n'a pas apprécié ton sketch, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a... comment dire, elle n'assume pas son côté roux, tu vois, elle n'assume pas sa rousseur, elle a du mal à l'accepter. C'est comme moi, si je faisais des blagues sur les gros ou sur les musulmans, avec des personnes qui sont complexées avec ces parties-là, elles n'apprécieraient pas et elles n'accepteraient pas de rire là-dessus. Oui. Oui, en fait, mais je crois que c'est ce que les humoristes souvent font, c'est qu'on développe l'autodérision comme mécanisme de défense. Parce que, évidemment, si quelqu'un dit « Ah, t'es roux, tu pues », et que toi, tu t'énerves, eh ben, il sait qu'il va pouvoir ressortir ça tous les jours de l'année. Alors que s'il te dit « Ah, t'es roux, tu pues », et tu dis « Ah oui, boah, pff, aujourd'hui, c'est trash, quoi, je devrais prendre une douche », il va se dire « Ah, mais en fait, il s'en fout, ça lui fait rien ». Et il tourne ça en autodérision. Et du coup, tu enlèves la puissance de l'insulte, voilà, et de ce qu'il essayait de faire. Et c'est ça où, en effet, je crois que parfois, certaines personnes ne comprennent pas que l'intention est justement de l'autodérision, est de tirer dans le ridicule une insulte ou un préjugé. Et que c'est souvent aussi, c'est l'effet que ça a. Donc moi, je vais continuer de faire des blagues sur les roues. Je ne vais jamais arrêter, Sofiane, tu m'entends ? Bien sûr, tu as totalement raison, parce que c'est ce qui permet de désacraliser les insultes, justement, et de leur enlever leur côté... tu vois, c'est comme si on leur enlevait leur venin, en fait, aux insultes. Oui, c'est exactement. Comme, exactement. Voilà, c'est comme la communauté, c'est comme la communauté noire aux États-Unis qui s'est approprié le mot « nigger », tu vois. Ouais. C'est exactement pour ça. C'est parce qu'il disait, on veut qu'on arrête de nous insulter avec ça, donc on va continuer à l'utiliser nous, on va se l'approprier en fait. C'est exactement ça, c'est s'approprier quelque chose pour désarmer la personne qui comptait s'en servir contre nous. C'est exactement ça, tu vois, moi quand je fais de l'autodérision, c'est exactement le truc que tu as décrit tout à l'heure pour dire à la personne, ben non, tu pourras pas me faire mal avec ça. On a vu ça aussi dans le film 8 Mile. Voilà. Oui, en effet, en effet. La technique d'Eminem, à la fin, c'est de prendre toutes les choses qu'on pourrait lui reprocher et de s'en servir lui-même. Et donc, il s'en est servi contre lui-même, entre guillemets. Il a fait de l'autodérision là-dessus. Il s'est auto-clashé, ce qui fait que le mec en face n'avait plus rien à dire. Ça y est, tu lui as enlevé toutes ses armes. Ouais, non, tout à fait. Et en plus, je trouve que c'est une technique très efficace en tant qu'humoriste. Si tu aimes bien taquiner des gens dans le public ou d'autres groupes de la société, c'est très bien de d'abord montrer que tu sais rire de toi-même. Et donc, moi, souvent, quand j'ai des sketchs un peu plus, on va dire, caustiques, je commence par 3-4 minutes sur le fait que je suis roux. On rigole tous bien de ma face. Et puis, par après, quand je viens taquiner d'autres gens dans le public, ils ne peuvent pas prendre la mouche. Ah non, non, non, on a rigolé pendant 4 minutes sur moi. Alors maintenant, tu ne vas pas t'énerver parce que je rigole de toi. Hein. C'est le deal. C'est exactement ça. C'est très, très bien comme technique parce que les gens comprennent que tu ne tapes pas méchamment sur les autres. Tu tapes, en fait, tu as un regard global sur la société et tu tapes sur tout le monde. Si tu tapes sur tout le monde, on ne peut pas te le reprocher. Si tu tapes que sur une catégorie de personnes, ça devient de l'intolérance et du racisme ou de la roussophobie ou je ne sais pas comment on dit. Tu vois, la roussophobie. Oui, oui, tout à fait. Puni par la loi. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je rappelle que les roux sont une espèce protégée et que vous pouvez faire des dons sur le www.whatthefun.be. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Ma vie est très dure. En tout cas, en parlant du What the Fun, c'était ma dernière scène en Belgique. C'était ma dernière scène tout court avant le confinement. Et vraiment, je suis très reconnaissant. Merci encore à vous. C'est une scène magnifique. On était à Los Amoales avec Florent Lausson, Gaëtan Delferrière, Serine Ayari, Costia, Bénin, Dena. C'était super. C'était super. Il y avait un line-up magnifique. Je me sentais vraiment aux anges, quoi. C'était ma première au What the Fun. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Vraiment, c'était non, une ambiance. Hein, évidemment, hein, tu reviendras. Hein. Nous, c'est aussi, pour nous, c'est aussi un plaisir d'accueillir des humoristes français qui sont de passage chez nous parce que notre public est très friand des humoristes français. Quoi. Souvent, ils viennent avec une autodérision, on se taquine un peu entre Belges et Français et donc ça marche toujours très bien. Donc vraiment, nous, c'est un plaisir de t'accueillir et dès qu'on peut, tu reviens chez nous. Hein. Avec grand plaisir. Bah, le plaisir était partagé. Vraiment, je me suis dit, je termine sur une dernière scène magnifique, mais quelque part, ça a un double effet, tu sais. Je suis content d'avoir fini en beauté. Mais c'était tellement bon que je suis frustré de ne pas pouvoir recommencer maintenant, tu vois. Ah non, évidemment. C'est dommage, mais on attendra avec impatience que les scènes reprennent et puis qu'on puisse reprendre le chemin des bars, des théâtres, tout ça, retrouver notre public chéri, parce que ce soit le public français ou le public belge, on a envie de jouer devant des gens. On a envie de partager avec eux et pas de faire ça devant une caméra. Malheureusement, il y a eu des spectacles en ligne et tout ça, mais ce sera jamais la même chose que le spectacle vivant. Ouais, tout à fait. Nous, vraiment, on a hâte. Et voilà, nous, avec le What the Fun, on est prêts. Dès qu'on peut rouvrir, on le fera et on sait que le public répondra présent. Eh bien, on sera impatient de voir ça et on sera ravis de revenir. En tout cas, merci beaucoup, Raph, pour toutes ces anecdotes. Mais je t'en prie, merci à toi, Sofiane. C'est une chouette initiative et c'est quand même fun de se rappeler les galères d'humoristes qu'on a eues sur scène. Et d'ailleurs, j'en ai écouté quelques-unes avant que tu m'appelles. Et c'est chouette. Je trouve que c'est une chouette initiative et c'est une chouette expérience. Ben merci beaucoup, Raph. Je suis ravi que les podcasts t'aient plu. C'est vraiment le but, tu vois, genre parler de nos galères, en rigoler. Et puis moi-même, je raconte les miennes de temps en temps. Donc, c'est toujours marrant après coup, tu vois. C'est on va dire l'anecdote, on va dire plutôt le bide est un plat qui se mange froid. Oui, non, tout à fait. Et je pense que pour d'autres humoristes, c'est agréable d'entendre les galères d'autres humoristes, tu vois, parce que souvent, quand tu as une scène qui se passe moins bien, tu te dis « Ah, je suis le plus nul au monde, les autres sont tous bons et moi, je galère. » Et puis, quand tu entends que des humoristes qui sont maintenant professionnels, qui remplissent des stades, qu'ils ont eu des gros bides, ben, c'est très rassurant parce que tu te dis « Ah, mais en fait, ça arrive à tout le monde. Tout le monde est passé par là. C'est normal. » Et du coup, ça te permet de relativiser tes propres échecs. Voilà, ça nous rassure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on continuera à vivre des bides pour pouvoir les raconter dans d'autres épisodes. En tout cas, merci beaucoup pour ta gentillesse et ta disponibilité. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, sur les réseaux sociaux, les gars, suivez What the Fun sur Facebook, Instagram, notre site web. Là, vous allez voir toutes les informations pour nos scènes dès qu'on reprend. Mais on a nous-mêmes aussi des podcasts et des web-séries, aussi la web-série Les Anonymes que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Facebook. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre le contenu digital qu'on fait actuellement et puis de revenir à nos scènes dès qu'on peut à nouveau les faire. Ah ben, les gens seront les bienvenus et j'encourage vraiment tout le monde à écouter le podcast à guichet fermé et regardez la série Les Anonymes. J'ai dévoré les épisodes de l'un et de l'autre et je ne peux que les recommander. Voilà. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.